Ô liberté, liberté, liberté. Ô nectar, poison mortel et délicieux, ambroisie, nourriture des dieux. Faudra-t-il mourir toujours pour s'apercevoir que nous n'étions pas nés et découvrir enfin que nous ne sommes toujours pas nés? La vague lointaine infiniment s'approche, bordée d'écume et de remous. Ainsi l'âme de l'homme, brisée d'amour et de remords, sur les sables mouvants de l'infini épanche son eau, s'étalant toujours plus à travers les marais de l'incertitude, en voulant épouser la forme de l'infini. Ô mon âme, où es-tu? Il y a si longtemps que je te cherche. Ô mon âme, viendras-tu pour de fidèles épousailles? Déjà monte le chant de mes entrailles qui par-delà le monde et solitude traverse l'océan de la certitude et me jette à la source de la vie. Ô mon âme, quelle est donc cette fièvre qui soudain m'envahit et ces douces couleurs qui se profilent à l'horizon? Est-ce le jour à nouveau qui se meurt ou bien est-ce enfin l'aube du jour nouveau? Est-ce enfin le poisson qui m'ébat le verseau?